faut que l'ego devienne esprit pour comprendre les jeux de l'esprit. Un ego qui comprend les jeux de l'esprit, il est aux oiseaux. Je comprends. Il est dans la vibration d'intelligence. Quand tu es dans la vibration d'intelligence, tu connais les jeux de l'esprit, tu ne fais plus prendre les jeux de l'esprit automatiquement. Tu es toujours bien dans ta peau. C'est facile d'être bien dans sa peau. Il n'y a pas d'effort. Mais c'est souffrant d'y arriver. L'intelligence, c'est cosmique, l'intelligence. C'est pas planétaire, c'est cosmique. Et ça a une direction créative. L'intelligence qui rentre dans l'homme, l'homme qui est dans l'intelligence, qui est dans la volonté, qui est dans l'amour, qui s'en va quelque part dans le temps, automatiquement. Il s'en va quelque part sur le plan matériel, il s'en va quelque part dans l'éther, il s'en va quelque part. Où il s'en va, c'est pas ses affaires. Mais où il s'en va, il le sent. Et où il s'en va, il le sait. Mais où il s'en va, il ne le connaît pas. Mais il le sait. Il sait. Quand tu es immortel, tu le sais. Tu n'en connais pas nécessairement les conditions, mais tu le sais. Puis il faut que tu le saches. Si tu ne sais pas que tu es immortel, tu n'es pas immortel. Il faut que tu le saches. Quelque part, dans le temps, il faut que tu le saches. Parce que si tu ne sais pas que tu es immortel, tu ne pourras jamais vivre en conséquence du travail qui se fait en toi-même pour t'amener à la transmutation atomique de ton corps matériel. Il faut que tu le saches. Parce qu'il se produit quelque chose quand tu sais que tu es immortel. Tu le doutes. Tu le questionnes. C'est-tu vrai? C'est-tu possible? Là, ton chum, tu capotes. Tu vibres. Ainsi de suite. Jusqu'à temps que tu vibres plus. Quand tu vibres plus, tu es dans ton intelligence. Il y a quelqu'un qui me demandait une fois, comment est-ce que tu deviens immortel? J'ai dit, je ne sais pas. Ben ouais, mais il dit, tu parles d'immortalité, puis tu ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas. Il s'attendait, il voulait que je donne une chaloupe pour aller vers le tourbillon. J'en ai pas donné. J'ai dit, je ne sais pas. Pis c'est vrai, je ne sais pas. Mais c'est pas vrai, je le sais. Mais c'est vrai que je ne sais pas. L'intelligence est toujours désengagée de l'ego. Si je le savais, mon ego serait engagé. Comme je ne sais pas, mon ego n'est pas engagé. Comme mon ego n'est pas engagé, je le sais. Tu comprends? C'est ça qui est dur à comprendre. Il y en a qui me regardent avec des yeux comme des assiettes quand je parle d'immortalité. Comme si j'étais un genre de je sais pas moi. C'est pas moi qui est anormal. Merci. Cette affaire, c'est toujours toi qui est anormal. C'est fatigant cette affaire-là. C'est subtil, c'est mauditement subtil. Il faut qu'on en arrive dans le temps à réaliser qu'on est pas, que c'est pas nous autres qui est anormal. Ouais, j'étais anormal. J'ai-tu d'être un gars normal? J'ai-tu quelque chose de grand? Parce que l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence, c'est profond. C'est profond, l'intelligence. Puis c'est tellement profond, l'intelligence, que quand tu rentres dedans, quand tu es dedans, quand tu vis de cette intelligence-là, tu n'as plus de questions à te poser. Tu veux plus te poser de questions? Parce qu'elle a toujours une réponse. Essaye donc de discuter avec quelqu'un qui a toujours une réponse. T'es pas capable? L'intelligence, c'est la même chose. L'ego qui discute avec son intelligence, l'intelligence a toujours une réponse. Fait qu'automatiquement, l'intelligence grandit, pas grandit, pas grandit, puis éventuellement, l'ego devient tellement essoufflé qu'il sortit. Quand l'ego sortit, il commence à être... Ah, c'est ça. Il commence à être. Puis être, c'est pas un cadeau. Parce que être, pour l'ego, c'est plate en maudit. C'est plate être pour l'ego. Il n'y a rien de plus plate pour l'ego que d'être. Tant qu'il n'y est pas. Tant qu'il n'y est pas. Puis quand il y est, il n'y a rien de plus ridicule que de pas être. Mais tu comprends ceux qui ne sont pas. Tu comprends. Mais tu te retires, pareil. Tu peux pas être avec du monde qui ne sont pas. Tu vas parler de quoi? Puis éventuellement, l'ego qui est ne peut plus être avec les gens qui ne sont pas. C'est ça le noyau. Pas de ma faute, mais l'affaire du noyau. C'est pas moi qui le construis, le noyau. Il se fait tout seul. Mais dans le noyau, il y a rien que des gens qui sont. Il ne peut pas y avoir de gens qui ne sont pas dans le noyau. Ça sera un petit noyau. C'est impossible. Si tu veux rentrer dans un club privé, tu as une carte. Si tu peux pas rentrer parce qu'il te manque certaines qualifications, tu peux tout donner un 100$ au doorman. Tu rentres pareil. Dans les sociétés secrètes, tu as donné une petite pièce au gars, puis tu rentres pareil. Tu as des contacts. Tu as un pouvoir politique. Mais dans le noyau, il n'y a pas. Il n'y a pas de doorman. Tu appelles ça une société anonyme. Il n'y a pas de domaine, pas de ticket. C'est mauditement subtil ce que je veux dire. Puis quand tu es dans le noyau, tu ne peux pas être en dehors du noyau. Quand tu veux sortir du noyau, tu ne sors plus du noyau. Tu es dans le noyau, tu es fait du noyau. Tu fais partie du noyau. Puis le noyau fait partie de toi. Quand tu veux sortir du noyau, tu ne seras même pas dans le noyau si tu penseras sortir du noyau. Fait que t'es bien dans le noyau. Fait que tu deviens un noyau. Tiens, un noyau, c'est dur. C'est dur à craquer un noyau, hein. Puis plus le temps avance, plus le noyau devient dur. Dense. Plus la société de la sixième race se forme. Quand le noyau sera bien dur, puis que les temps seront venus pour l'homme de vivre de son pouvoir intérieur, de sa lumière, de son intelligence, de sa volonté et de l'amour, à ce moment-là, se créera sur la terre une nouvelle civilisation, tellement puissante qu'elle ne pourra pas être retardée. Mais si vous commencez à penser à ça, vous allez vous décourager. Parce que vous allez chercher comment ça va se faire. Que te laisse, ça commence. On va-tu avoir assez de matériel? Je vous le dis, l'intelligence n'appartient pas à l'homme. La volonté non plus et l'amour non plus. Fait qu'en attendant, bon, occupez-vous rien de votre noyau. Puis quand le noyau sera suffisamment dense dans le temps, vous serez toutes des brunes. Mais des nouvelles brunes. Des prunes qui ne pourront pas être mangées par d'autres. Des prunes qui auront le goût amer pour les palais étrangers. La vérité, c'est subtil. C'est comme une vis qui rentre dans le bois. Plus tu tournes, plus elle rentre. À un certain moment, le bois devient tellement dur qu'elle ne rentre plus. C'est le noyau. Quand votre noyau personnel sera suffisamment dur, il n'y a plus de maudite vérité qui rentrera dedans. Il n'y a plus de vis qui pourra rentrer dedans. Puis il y en a qui sont déjà là-dedans, déjà. Quand je vous dis que l'intelligence passe par l'homme, n'appartient pas à l'homme, je vous dis ce que vous vivrez demain. Et je vous indique comment votre ego vivra demain. Mais l'émotion dans l'homme que tous les hommes ont à un niveau quelconque est encore très puissante. Et s'il y a une chose que vous devez voir clairement dans votre vie quand vous prenez des décisions, quand vous vivez votre vie, c'est au niveau de l'émotion. Parce que c'est dans votre capacité de dépasser l'émotivité de la vérité et puis du mensonge que vous allez réaliser jusqu'à quel point vous êtes intelligent. Parce que l'homme, il faut que l'homme sache jusqu'à quel point il est intelligent. Il faut qu'il puisse mesurer son intelligence. Il faut qu'il puisse mesurer sa performance intelligente. Parce qu'il y a une performance intelligente. Chaque personne a un niveau de performance intelligent. Pas d'orgueil, c'est de la conscience. La conscience, c'est la capacité à l'individu de mesurer la performance de son intelligence, la performance de sa volonté, la capacité de vivre l'amour d'une façon indéfinie et occulte, supramentale. C'est pour ça que j'engage les égaux, surtout les égaux qui sont doux, les égaux qui sont faibles, les égaux qui n'ont pas beaucoup de volonté, mais les égaux qui sont très spirituels, qui sont bons, les égaux qui ne souffrent pas de leur faiblesse encore, les égaux qui ne souffrent pas de la force pénétrante de l'intelligence, de sa rigidité absolue, de la force pénétrante de la volonté et de sa rigidité absolue. Et tu peux voir très vaste de l'amour dans l'homme, de s'apprécier, que les égaux s'apprécient. Les égaux plus forts peuvent s'apprécier. Mais les égaux plus faibles doivent s'apprécier. C'est le début de l'intelligence dans l'homme, pouvoir s'apprécier. Si vous ne pouvez pas vous apprécier, c'est parce que vous vivez à l'intérieur des mensonges et des vérités qui constituent le matériel dont se sert votre ego pour affaiblir sa volonté et son intelligence. Vous devez vous apprécier, surtout les plus faibles. Surtout ceux qui se sont désappréciés pendant la vie, pendant des années de temps. Surtout ceux qui ont été désappréciés par les autres. Vous devez en arriver à vous apprécier. Parce que c'est le début de l'intelligence. Puis c'est pas aussi facile qu'on pense s'apprécier. Parce que quand on apprend à s'apprécier, on doute de notre appréciation, parce qu'on a de l'émotion. parce qu'on est encore pris dans la vérité puis le mensonge. On a peur d'être dans le mensonge de notre appréciation, de sorte qu'on a peur d'avoir de l'orgueil. Et on a peur d'être dans la vérité de notre appréciation, parce qu'on a peur de se grandir. Puis il ne s'agit pas de se grandir. Il s'agit de se voir grand. Une nuance. Vous autres, vous vous voyez petit. Moi, je vous vois grand. Mais un jour, il faut que vous vous voyez grand. Il faut que vous puissiez voir ce que moi, je vois. C'est pas au niveau de votre personnalité, ça. C'est au niveau de ce que vous êtes en dedans, dans votre intelligence. Sans ça, vous allez toujours demeurer des pygmées. Parce que je pourrais pas vous fournir des chaloupes longtemps. À un certain moment donné, vous allez être obligé par vous-même, selon votre grandeur, d'aller vers le tourbillon, au milieu du lac. Mais si vous vous sentez petit, parce que vous êtes démarré sur le bord, vous ne pourrez jamais aller au centre. Et il n'y a personne qui peut rien pour vous. Personne. Il y a suffisamment de lumière dans le temps, mais vous devez vous-même développer votre propre lumière. Il faut que les fanaux s'allument une fois que le signal est donné. Heureux les creux, ça cache bien des choses. Heureux les simples d'esprit, ça cache bien des choses. Ça a été très mal compris, et ça l'est encore très mal compris. Et c'est tellement mal compris que les simples d'esprit, les gens spirituels aujourd'hui, qui sont simples d'esprit parce qu'ils sont de plus en plus en dehors des illusions de l'intellect, ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et ils en souffrent, et ils en sont automatiquement diminués. Pourquoi? Parce que les gens cherchent la vérité dans les paroles des initiés. Heureux les simples d'esprit. Alors, le gars, il cherche la vérité là-dedans. Les théologiens cherchent la vérité là-dedans. Donc, la première chose que tu sais, c'est que la Terre, c'est un forum de yo-yo. C'est pas la vérité dans les paroles des initiés qu'il faut chercher. C'est la vibration dans les paroles des initiés qu'il faut savoir. Mais tu peux pas la savoir, la vibration, si t'es pas dans l'intelligence. Alors, automatiquement, tu vis dans la vérité. Tu te complais dans la parole. Heureux les simples d'esprit, puis tu restes simple d'esprit pour tout le temps. C'est maudit la vérité. On ne réalise pas la continuité de l'intelligence dans le cosmos. On ne réalise pas la continuité de la volonté. Et ce qu'on considère comme étant de l'intelligence proverbiale, menant une volonté proverbiale, c'est pas ce que c'est. Ce que les initiés ont fait dans le passé de l'humanité, c'était pour amener l'humanité à une certaine progression. Mais ce qui a été dit durant la période progressive de l'humanité, constituait du matériel de vérité qui, dans la période évolutive de l'humanité, constitue du matériel à être brûlé totalement. Et l'homme a de la difficulté à concevoir ceci. Parce que l'homme est spirituel, parce que l'homme ne veut pas prendre de chance avec le mensonge, parce que l'homme a peur de se tromper, parce que l'homme a peur de manquer son coup, parce que l'homme est pris entre le mensonge et la vérité. Il faut que ça cesse quelque part. C'est là l'involution. L'involution, ce qui sépare la cinquième de la sixième race, c'est un rideau de fer. C'est un rideau de fer. Et le fer de ce rideau est fait de la conscience de ceux qui passent de l'autre côté. On ne peut plus vivre aujourd'hui de ce qui a été dit et donné à l'homme hier pour sa progression. On doit vivre aujourd'hui de ce qui nous est donné dans l'intelligence instantanée qui provient du rapport entre l'homme, l'âme de l'homme, et le principe de l'intelligence formulé par la conscience de l'ajusteur de pensée. Puis on n'a pas de choix, parce que c'est comme ça. Les lois cosmiques sont fixes et immuables. Les principes philosophiques de ces lois-là peuvent être transmutés, changés par l'homme, altérés par l'homme, suivant son évolution dans le monde de la forme, de l'illusion philosophique. Mais dans le domaine de l'intelligence, puis de la volonté, puis de l'amour, il n'y a rien qui change. C'est de même, ça a toujours été de même, ça sera toujours de même. Parce que c'est infiniment, absolument parfait. J'engage les égaux par la parole à se désengager de la parole. Parce qu'un égo qui sait n'a pas besoin de parole. Mais tant que les égaux ne savent pas suffisamment, ils ont besoin de parole. Mais la parole engendre toujours une forme, parce que l'ego a toujours de l'émotion. Alors j'engage l'ego à se désengager de la parole. Les chaînes de la vérité sur la terre sont puissantes, et elles seront détruites. Et ceux qui détruiront les chaînes de la vérité seront suffisamment dans leur propre lumière pour ne reconnaître personne. Et quand je veux dire qu'ils seront suffisamment dans leur lumière, leur intelligence, pour ne reconnaître personne, je veux dire qu'ils seront suffisamment centriques pour n'avoir besoin d'aucune vérité. Et lorsque ces hommes n'auront plus besoin de vérité, qu'ils ne pourront plus reconnaître personne, ces hommes seront libres, parfaitement libres. Et quand je parle de reconnaître quelqu'un, je veux dire reconnaître la multitude des opinions qui affluent vers soi dans le concours circonstanciel de tous les jours. La multitude. Les gens ont de la difficulté à s'imaginer qu'on peut vivre une vie totalement englobée dans une énergie qui est impénétrable. pourtant c'est la seule vie possible. C'est la seule vie réelle. Parce que c'est la seule vie qui ne souffre pas des autres existences. C'est la seule vie qui peut reconnaître une autre vie. Et s'en joindre avec elle dans un mouvement du mental ou dans un mouvement de l'émotif créatif ou dans l'émotif ou dans un mouvement du vital, dans un mouvement du matériel. C'est la seule vie. Mais l'ego a tellement peur d'être seul. L'ego a tellement peur de la solitude. Pourtant, tout homme conscient est seul. Tu ne peux pas être conscient et pas être seul, c'est impossible. Si tu es avec quelqu'un, tu n'es pas conscient. Tu peux être avec quelqu'un. Mais tu n'es pas sous l'influence de quelqu'un. Avec. Lorsque l'homme commence à vivre dans son intelligence, il commence à vivre seul. En relation avec quelqu'un qui est dans la même intelligence, il y a une harmonie entre les deux. Mais le droit de l'homme est toujours de détruire la vérité. Parce que s'il ne détruit pas la vérité dans sa relation avec un autre, il vivra de la vérité de cette relation-là. Et automatiquement, il ne pourra pas être un avec lui-même et être en harmonie parfaite, supramentale avec l'autre. Parce qu'il y aura toujours une émotion dans la vérité qui lui donnera une raison d'être. Et l'émotion ne doit jamais être une raison d'être dans la vie de l'homme. Ceux qui s'engagent dans la conscience supramentale iront aux extrémités de la terre, seront amenés aux extrémités de la terre. Ce qui implique que l'ego, que l'homme, que l'individu, que la partie émotive de l'être doit être totalement transmutée, parce que la partie émotive de l'être ne permettra jamais à l'ego d'aller aux confins de la planète. C'est pour ça que la transmutation de l'homme dans la conscience supramentale est si longue pour décourager l'ego complètement de tout désir d'aller aux confins de la terre. Pour décourager l'ego de tout désir d'appartenir à une activité qui transcende son droit de la posséder. Parce que pour aller aux confins de la Terre, ça prend énormément d'énergie. Ça prend énormément de volonté et d'intelligence. Et c'est pas l'ego qui se donnera cette volonté et cette intelligence. C'est pour ça que, même si on ne peut pas le comprendre aujourd'hui, on le réalisera demain que la vérité doit être totalement éliminée du cerveau de l'homme. La recherche de la vérité. Parce que la recherche de la vérité tue dans l'homme la volonté. Et elle diminue l'intelligence. Il n'y a rien de plus perverse. Le mensonge, on n'en parle pas. Parce que c'est une forme. Et toute forme empêche, crée un nuage entre la lumière et l'homme. Quelles que soient ses bonnes intentions. Le soleil est là, les nuages sont là, puis il y a la terre. Quand il y a des petits nuages, même s'il y a seulement des petits nuages, le soleil passe moins. Les nuages, quand ils sont blancs, c'est la vérité, quand ils sont noirs, c'est le mensonge. C'est un nuage pareil. C'est pour ça que dans les rapports vibratoires, dans la conscientisation de l'esprit de l'homme par la parole, il y a seulement une raison d'être. Il y a seulement une fonction. C'est l'énergie. Et autant les rencontres peuvent être le fun, autant les rencontres peuvent être plates. Et il y a plus de travail qui se fait chez vous quand ils sont plates que quand c'est le fun. Parce que quand c'est le fun, votre ego vibre. Quand c'est plate, votre ego vibre moins. De sorte que plus les rencontres sont plates, plus elles sont importantes, parce que votre réaction astrale est diminuée. Mais quand je dis plate dans ce sens que l'ego est suffisamment désengagé pour que ça devienne intéressant seulement pour ceux qui ont l'ego désengagé. Parce que quand les rencontres se font comme ça, il y a un travail qui se fait. Et ceux qui peuvent continuer à trouver des rencontres intéressantes, à puiser une énergie dans la rencontre, sont ceux qui sont le moins engagés dans l'intellect. Et plus le temps va avancer, plus les rencontres vont être plates. Parce que plus les rencontres vont servir à désengager l'intellect de l'ego, mais d'un autre côté, plus les rencontres vont être vitales, parce que ceux qui se noyotent, seront de plus en plus dans l'énergie de la vibration. De sorte qu'à ce moment-là, ça n'a plus d'importance ce que je dis. Puis quand les gens seront arrivés à réaliser que ça n'a plus d'importance ce que je dis, les gens commenceront à comprendre ce que je veux dire parfaitement, et les gens commenceront à rentrer dans leur intelligence et à saisir les nuances de leur intelligence parce qu'ils auront la capacité de saisir les nuances de mon propre esprit. Quand je fais des faces avec vous autres, c'est pour ceux qui n'ont pas suffisamment d'énergie au niveau du mental supérieur et qui ont besoin un petit peu d'une chaloupe pour agrémenter leur relation avec moi. Mais si j'étais avec un nombre particulier de personnes, je serais totalement plate et je serais totalement intense et je serais totalement vibrant, de sorte que les relations seraient totalement impersonnelles, totalement réelles et le travail continuerait à se faire d'une façon plus rapide. Et à l'intérieur des conférences, je vais faire la même chose. Je ne peux plus me permettre d'amuser ceux qui ont besoin d'être amusés pour supporter la monotonie de ma conversation. Parce que ma conversation peut être très monotone, autant qu'elle peut être flamboyante. Et c'est dans la monotonie de ma conversation que l'énergie pénètre le plus, parce que c'est dans la monotonie de ma conversation que je communique le plus avec votre esprit. le noyau peut m'entendre, même si je suis totalement plate astralement. Et je m'occupe de créer ces conditions. Parce que rendu à un certain stage, c'est plus important ce que je dis. Ce qui est important, c'est que je parle. Parce que ce que je dis contient une vibration qui devient pour vous autres une clé, qui devient pour vous autres un pouvoir d'ouverture sur votre propre tête, sur votre propre intelligence. C'est plus important ce que je dis. Ça l'était pour un certain temps, c'était le fun pour un certain temps, le temps vient où ça n'a plus d'importance. Alors, automatiquement, il y en a qui vont trouver ça plate. Mais automatiquement, il y en a qui vont vibrer. Il faut que les gens en arrivent à dépasser totalement ma personnalité matérielle. Pour en arriver à, par le biais de leur propre esprit, à entrer dans l'énergie de l'intelligence qui nous alimente tous et chacun, y compris moi-même. Pour que l'intelligence de ce noyau se forme et qu'elle devienne tellement puissante que la simple vibration de la forme serve à entretenir dans le noyau une pulsation qui ne puisse être arrêtée. Parce que là, présentement, les hommes vivent sur le plan matériel, les hommes ne voient que le plan matériel. Les yeux sont fixés dans la matière, mais les hommes ne voient pas ce qui se fait sur les autres plans. Et vient le temps où ce qui compte, ce n'est plus ce qui se fait sur le plan matériel, en relation avec les sens, mais ce qui se fait sur les autres plans, en relation avec la puissance de la parole. Parce que la parole, l'intelligence de la parole engendre dans vos esprits votre propre intelligence. Quand je vous parle, que je vous parle de n'importe quoi, j'alimente en vous quelque chose. Je fais déclencher en vous quelque chose qui correspond à chacun de vous. De sorte que si je parle à 300 personnes, chaque personne est alimentée intérieurement et reçoit des réponses à des questions selon la vibration, parce que c'est la vibration qui engendre l'énergie de l'intelligence. Ce ne sont pas les mots. Mais pour que l'homme entre dans son intelligence, il faut qu'il sorte de son intellect. C'est pour ça que je dois devenir de temps à autre plat. Autrement dit, je dois de temps à autre, en apparence, ne rien dire qui vaille la peine d'être entendu. Ou je dois de temps à autre dire des choses que vous savez. Ou je dois de temps à autre dire des choses que vous comprenez. Ou je dois de temps à autre faire vibrer votre ego pour que l'ego réalise qu'il est encore dans la recherche de la vérité du mensonge. On peut, par désir, aimer telle chose ou telle chose, ou on peut, par désir, aimer une situation plus qu'une autre, mais on ne peut pas, une fois qu'on est dans l'intelligence, aimer telle chose ou telle chose. On doit subir l'intelligence. On doit la subir, la vibration, parce que c'est elle qui fait le travail. Et je sais qu'on entre dans une période d'évolution intense. Je sais que dans les mois qui vont venir, il y en a beaucoup parmi vous qui vont se désengager au niveau de l'ego et qui vont trouver ça difficile. Soit au niveau des jobs, au niveau de ci, au niveau de ça. On est écœuré de travailler. Avant, c'était le fun, là, ça va être moins le fun. C'est normal. Il y en a qui vont commencer à chercher d'autres possibilités. Ça devient intense. Plus vous êtes attaché, plus ça va être intense. Plus vous avez peur de perdre quelque chose, plus vous allez souffrir de ça. C'est pour ça que je vous dis, au cours des mois qui viennent, cassez-vous pas la tête trop. Apprenez à vivre dans votre temps intérieur, dans votre intelligence intérieure, dans votre incapacité intérieure. Il faut que vous puissiez vivre dans votre incapacité de faire telle chose, de changer telle chose. C'est pas à vous à changer telle chose. Tant que vous changez telle chose dans votre vie, vous le faites au niveau de votre ego. C'est aux forces de vie à changer telle chose. Puis si vous mettez le wrench dans la patente, automatiquement, vous allez voir que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Dépendant jusqu'à quel point il fusionne un peu avec votre esprit. Mais si la relation vibratoire devient suffisamment intense, vous allez voir que vous n'êtes pas capable de faire grand-chose s'ils ne veulent pas. Vous allez voir qu'une minute, vous allez prendre une décision, puis l'autre minute, ça va être l'autre décision. Une minute, ça va être une décision, puis l'autre minute, ça va être une autre décision. Vous n'êtes pas capable de prendre une décision. Il y en a qui sont rendus à ce point-là. Une minute, ça a du bon sens, puis deux minutes après, ça n'a plus de bon sens. Là, c'est peine de faux cul. Bah, tu me décidais un peu. Tu n'es pas capable de te décider. La connexion se fait, c'est eux autres qui rentrent. Quand tu commences à runner, tu te laisses runner. Il faut que tu apprennes à te laisser runner. Sans ça, tu te feras aider. Plus tard, quand vous serez suffisamment dans l'intelligence, puis la volonté, vous ferez ce que vous voudrez. Ça coïncidera avec ce qu'ils veulent à ce moment-là. Mais en attendant, il faut qu'ils fassent la connexion. Puis du 220, c'est pas du 110. Apprenez que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est voulu. Tout. Quand vous comprendrez ça, que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est voulu, là ensuite, vous commencerez à avancer et comprendre quelque chose. C'est là que vous commencerez à développer l'intelligence et la volonté, parce que quand on se fait malmener, éventuellement, on a plein de casse. On réagit, puis là, éventuellement, la volonté descend, l'intelligence descend. Mais il faut que tu réalises que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est voulu. Commencez pas à vous blâmer. Faut que l'homme commence à comprendre qu'il n'y a aucun pouvoir dans la vie. On n'a aucun pouvoir dans la vie. Aucun. Personne dans vous autres, il y a un pouvoir dans la vie. C'est petit, vous commencez à le vivre, le pouvoir. Faire ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas faire ça tant que vous n'avez pas réalisé certaines choses. Ceux qui sont le mieux parmi vous autres sont ceux qui engendrent le moins de résistance. D'abord, vous n'avez pas de problème de fusion, fait que votre affaire est ketchup. Mais ceux qui sont capables d'engendrer le moins de résistance ont des égos suffisamment pliables, suffisamment plastiques, pour absorber l'énergie. Ceux qui offrent de la résistance souffriront de la résistance. S'ils ne sont pas capables de le prendre, ils vont automatiquement se retirer de cette conscience enveloppante, pénétrante, développante, ainsi de suite. Ils ne pourront plus le prendre.